Vous aimez être à la pointe du raffinement ? DS Automobile présente DS7 Crossback. Avec ses projecteurs ciselés tels des pièces de joaillerie et ses feux tridimensionnels en forme d'écaille, ce SUV d'avant-garde incarne le savoir-faire français. Paré de matériaux nobles, comme le cuir Napa sublimé par des coutures point perles, l'alcantara ou le cristal noir, DS7 Crossback signe un intérieur haute couture. DS Automobile vous convie à essayer DS7 Crossback dans son nouveau réseau exclusif. Détails sur dsautomobile.fr. Allez, c'est l'heure de remonter le temps. Aujourd'hui dans l'histoire, bonjour Franck Ferrand. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Quel 8 mai avez-vous choisi ? Alors, non pas le fameux 8 mai 1945, non. Jour de l'armistice sur le front de l'Ouest, mais celui de 1842, marqué par la première catastrophe ferroviaire de l'histoire. Sur la ligne pionnière qui relie Versailles à Paris ce dimanche-là, à hauteur de Meudon, le train va dérailler et tuer 55 personnes. C'est donc la première catastrophe ferroviaire, mais dites-moi, depuis quand le train est-il arrivé en France ? Depuis une vingtaine d'années, même pas, depuis 1827 avec la ligne Saint-Étienne-Andrézieux, qui n'était pas bien longue, mesure que 18 km, est très lente, ce sont des animaux qui tirent les wagonnets à l'époque. Mais elle est précieuse pour transporter le charbon des mines notamment. Les locomotives Schneider à vapeur vont bientôt arriver, et en ce 8 mai 42, la ligne Versailles-Paris est bondée. 770 personnes ont pris place dans le train. Faut dire qu'à l'occasion de la fête du roi Louis-Philippe à Versailles, on a fait jaillir les grandes eaux. Les Parisiens se sont donc déplacés en masse. Au retour, le train de 17h30 file à 40 km/h, grande vitesse pour l'époque. Et à Meudon, un des essieux de la locomotive cède, le train déraille. Les wagons de bois vont se chevaucher, s'encastrer les uns dans les autres. Des morceaux de charbon incandescent vont s'y répandre et lancer le feu. 43 personnes vont donc périr brûlées vives. Les passagers étaient en quelque sorte prisonniers des wagons. Voilà, exactement, parce qu'il faut vous dire qu'à l'époque, par mesure de sécurité, si je puis dire, on fermait les voitures de l'extérieur pour protéger les passagers d'éventuels intrus. Résultat, 55 morts en tout, 9 vont mourir des suites de leurs blessures et une centaine de blessés graves. Terrible accident donc, qui va calmer l'enthousiasme de l'opinion pour le train et au-delà pour le progrès. Vous savez qu'on s'est demandé si on allait continuer à fabriquer des trains. Alphonse de Lamartine, qui à l'époque est député, dans un discours à la Chambre, prononcera ces mots, plaignons les victimes, plaignons-nous et marchons. Il fallait continuer, bien sûr. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Oui, pour évoquer Ernst Hanfstaegel, qui était surnommé le bouffon d'Hitler. À tout à l'heure, Franck. Bienvenue si vous nous rejoignez dans la demi-heure.